Chapitre 25e, Les hommes de devoir. Quand M. Desboisbilly vit entrer, le lendemain matin, dans son cabinet, Paulin Broquet, il releva vivement la tête et, tendant la main au détective, lui dit « Ah, vous, mon cher Broquet, je suis bien content de vous voir. M'apportez-vous une bonne nouvelle? Allez-vous me donner l'explication de ce drame inattendu ?» Le ministre était tout ému. L'aventure de la veille, de cette soirée d'opéra qui avait fini d'une façon si tragique, l'avait profondément touché. Il aimait beaucoup Simonet. Il avait passé une partie de la nuit au chevet du blessé, en compagnie de la Rochardie et du capitaine de Montgomery. Il ne s'était retiré qu'après avoir eu des médecins la certitude que désormais son malheureux parent était tout à fait hors de danger. « À quoi pouvez-vous, mon cher Broquet, attribuer cette tentative d'assassinat? Quel est le motif? Le mobile que nous ne soupçonnons pas? Qui a pu armer la main du misérable? Je me creuse la tête et je ne trouve absolument rien. Il y a une raison, la seule valable à mes yeux quant à présent, l'amour, la jalousie. La jeunesse, les allures séduisantes de Simonet expliqueraient bien des choses. Arrive à l'évincer, supplanter sans doute, ce ne peut être que cela. Vous savez comme moi qu'il était en flirt suivi avec la belle comtesse Pepa d'Ortega. Je le sais, monsieur le ministre. C'était du reste le secret de Polichinelle et le baron de la Roucoulière qui, de son côté, prétendait à la main et aux millions de la merveilleuse Argentine, a pris soin, tout en se rendant ridicule au dernier point, d'avertir tout Paris de ce qui se passait entre Simonet et celle à qui il voulait donner sa couronne de baron périgourdin. « Je sais cela aussi, monsieur le ministre, » répondit Paulin Broquet sur le même ton grave. « Évidemment, le frère, Donésigo Martolo, en tant qu'homme du Midi d'Amérique, doublement bouillant, triplement susceptible quant au point d'honneur, pouvait à la rigueur se montrer inquiet et vouloir sauvegarder la réputation de sa délicieuse sœur. Mais le marquis Donésigo semblait sinon favoriser les choses et fermer les yeux sur le flirt de sa sœur, du moins ne pas vouloir intervenir dans la ligne de conduite de la comtesse Pepa. Il avait toujours fait bon accueil à Simonet. Les potins de Paris nous donnaient deux versions de cette attitude. L'une voulait que, sous des apparences de légèreté et d'ardente coquetterie, la comtesse Pepa d'Ortega fût la vertu même, qu'il ne fallait pas se fier à ses allures extrêmement libres d'américaine, croyant que les millions qu'elle possède absolvent par avance tout ce qui est incartade aux yeux des Européens. La comtesse Pepa était, affirmait-on, intangible, inaccessible. Paulin Broquet, avec son sourire pincé, dit au ministre d'une voix insinuante « Il fallait en effet que la comtesse fût d'une vertu de bronze pour avoir pu résister au baron de la Roucoulière. » Malgré sa tristesse, le ministre accueillit la réflexion de Paulin Broquet d'un sourire et il reprit « La seconde version de cette immense potinière, qu'on appelle le tout Paris, est que si le marquis Donésigo Martolo autorisait ce flirt de sa sœur avec mon chef de cabinet, c'est que la comtesse lui aurait fait savoir que son veuvage prématuré lui pesait beaucoup et qu'elle entendait renoncer à sa couronne de comtesse et devenir la femme de ce garçon charmant, Simonet. C'est possible, en effet, très possible, comme toutes les choses humaines, » dit Paulin Broquet. « Les suppositions les plus inattendues sont quelquefois celles qui se trouvent le plus facilement réalisées au cours des événements de la vie moderne. « Je finis par le croire, » dit le ministre. « En tout cas, nous devons mettre hors de cause absolument le marquis et sa sœur. Ils se trouvaient dans leur loge, presque en face de la mienne. J'ai pu les voir tout le temps. Ils ont fait le meilleur accueil à Simonet et à ses deux inséparables amis quand ils vinrent saluer la comtesse. Le marquis Donésigo n'a pas bougé de sa loge jusqu'au dernier moment. Il n'est parti avec la foule que quand on a permis au public de quitter l'opéra. Peut-être ne savait-il même pas encore, comme la plupart des spectateurs, le nom de la victime de cet attentat fantastique. » Paulin Broquet dit vivement « Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous interrompre pour vous dire que lorsque j'ai eu donné l'ordre de fermer les portes de l'opéra, mes ordres ont été extrêmement mal compris et encore plus mal exécutés. Je n'avais d'ailleurs pas le droit de donner un ordre quelconque à l'opéra. Et quand les commissaires spéciaux chargés de la police de la salle, comprenant enfin ce dont il s'agissait, se résolurent à faire fermer les portes, la moitié du public était déjà partie, dans le brouhaha que vous avez vu, dans le tumulte de l'incohérence dont vous avez pu vous rendre compte. Je n'avais pas, de mon côté, organisé de service de surveillance et je n'avais avec moi que mes deux lieutenants, Lamorce, Gabriel, quelques hommes à tout hasard placés en divers points de la salle et perdus dans ce vaisseau immense. C'était, comme vous le pensez, plus qu'insuffisant pour me rendre maître de l'opéra, comme il l'eût convenu. il lui fallut fermer toutes les portes et ne laisser passer qu'un à un les spectateurs qui eussent satisfait aux questions que nous devions leur poser. « En effet, mon cher Broquet, si on ne tient pas l'assassin, ce n'est pas à vous qu'il faut s'en prendre. » Mais revenons au marquis d'Onésigo et à sa sœur. Je suis certain qu'ils ne peuvent être pour rien dans cet attentat, que d'ailleurs, ils n'ont dû connaître en détail que par les journaux, ce matin, comme tout le monde. Le marquis n'a pas quitté sa loge, vous disais-je, et il n'est parti avec la comtesse qu'au moment où l'un de vos hommes venait me prévenir du malheur arrivé, me dire qu'il avait été blessé et me prendre pour me conduire auprès de Simonet. D'un autre côté, à moins de me tromper énormément, je ne crois pas que cet homme, malgré ses moustaches noires et ses sourcils abondants, ait l'âme d'un héros de roman ou de drame, de mélo d'ancienne mode, et qu'à l'instar des maris ou des frères vénitiens de mélodrame, pendant qu'il souriait à Simonet, il ait soudoyé des sbires pour l'assassiner à deux pas de lui 5 minutes plus tard. Paulin Broquet, immobile, regardait le ministre de ses yeux gris et fixes. Sa physionomie ne révélait rien de ce qui se passait en lui en entendant ces paroles. Le ministre, étonné, lui demanda « Ce n'est pas votre avis, mon cher Broquet ?» Paulin Broquet éluda la réponse. « Monsieur le ministre, j'ai un principe dont je ne veux me départir en aucune occasion. C'est de ne jamais formuler une opinion sur un homme, une femme, sur un fait quelconque, avant de savoir à quoi m'en tenir exactement. En ce moment, je ne sais rien, je ne puis rien dire. » Le ministre s'écria. « Mon cher Broquet, cette réticence est presque une accusation contre le marquis et sa sœur. Pardon, monsieur le ministre, je suis détective, simplement. Mon devoir est non pas d'accuser, mais de rechercher les coupables et de les arrêter, quand je peux. Quant à formuler la moindre opinion sur qui que ce soit, ma conscience me dit de m'en dispenser. » Le ministre n'insista pas, il ajouta toutefois. Cependant, ce matin, à la première heure, un coup de téléphone demandait chez Simonet des nouvelles du blessé de la part d'Isigo et de la comtesse Pepa. De plus, dans la matinée, le marquis m'a déposé sa carte et s'enquérir lui-même des progrès du pansement fait au blessé. De nouveau, Paulin Broquet reprit son immobilité de sphinx. Silencieusement, il attendit que le ministre eût fini de parler. M. Desvoisbilly, intrigué et sentant qu'il ne tirerait rien à ce sujet de Paulin Broquet, comprenant que le détective ne voulait pas le suivre dans la voie où il essayait de l'engager malgré lui, cessa de parler du marquis et de la délicieuse comtesse. De nouveau, il posa à Paulin Broquet la question qu'il lui avait fait entendre à son entrée dans le cabinet ministériel. « Avez-vous quelque chose de nouveau à m'apprendre ?» Paulin Broquet, d'une voix lente et grave, qui surprit grandement M. Desvoisbilly, répondit « Monsieur le ministre, mon devoir professionnel me met ici dans une obligation douloureuse. Je vais, après les émotions qui vous ont frappé cette nuit, augmenter ce matin votre peine. Vous m'en excuserez, et vous voudrez bien ne voir ensuite que le détective, le fonctionnaire, le serviteur de la justice, qui vient, le cœur navré, parler au chef d'État, aux membres du gouvernement français, au ministre des Affaires étrangères. Vous avez bien voulu me témoigner tous ces temps-ci une sympathie qui m'a rempli d'orgueil et me manifester une confiance que je m'efforce de justifier. » Le ministre se leva à son tour, très grave, frappé par le ton solennel et triste de Paulin Broquet. Il lui tendit la main et lui dit « Mon cher Broquet, j'ai peur de comprendre. Ce n'est pas seulement à l'homme d'État que vous avez à parler, mais aussi à l'homme privé. Quelque douloureuse, quelque grave et pénible que soit la communication que vous avez à me faire, je suis prêt à l'entendre. Asseyez-vous, parlez. » Le ministre tremblait maintenant. Un frémissement agitait ses mains. Il prit son mouchoir et s'épongea le front d'où des gouttes de sueur, d'inquiétude et d'angoisse perlaient. Paulin Broquet, froid, raide, imperturbable, ne voulut pas encore reprendre le siège que lui avait désigné M. Desvoisbilly. Il demeura debout devant le bureau et il dit « Monsieur le ministre, si je n'ai pas arrêté l'assassin, c'est que le destin a été contre moi, et encore une fois ce misérable m'a glissé dans les doigts, parce que, dira demain la clameur populaire, il a la peau d'anguille. Mais cela n'est rien. Ma réputation de détective seule en souffrira. Voici qui est plus grave maintenant. Cela ne touche pas seulement l'homme privé, parent de M. Simonet, la victime, mais atteint le chef d'État ayant M. Simonet à son service, mettant toute sa confiance dans celui qui a été frappé. J'ai relevé, moi, la victime, je l'ai arrachée de son fauteuil et je l'ai transportée à travers les couloirs jusqu'au foyer où je l'ai étendue sur une banquette en attendant la venue des médecins. On m'a appris votre conduite admirable en cette pénible affaire. J'ai voulu voir tout de suite l'état de la blessure et j'ai ouvert l'habit de M. Simonet. Dans la poche de cet habit, monsieur le ministre, j'ai trouvé, avec la même surprise que celle que vous allez ressentir en l'apprenant, j'ai trouvé une enveloppe. Cette enveloppe, quelques instants après, quand j'ai remis le blessé aux mains des hommes de l'art, cette enveloppe, je l'ai ouverte. Cette enveloppe, monsieur le ministre, renfermait les documents secrets que vous avez apportés le courrier de cabinet anglais 3 jours auparavant, que j'étais chargé de surveiller depuis Londres, les documents que je vous avais fait remettre en main propre, ici, sur ce bureau. Monsieur le ministre, ces documents ont été volés. Ils ont été communiqués à l'Allemagne, le matin même du jour qui devait finir de si tragique façon, à l'opéra. Mon service de contre-espionnage m'envoyait l'énoncé des documents et la photographie des pièces une seconde fois volées, mais alors par mes hommes à moi, aux traîtres allemands. Monsieur le ministre, ces documents sont passés à la frontière, mais ils ne sont pas arrivés à destination, car mes hommes les ont arrêtés en route. Paulin Broquet alors, tirant 2 enveloppes de ses poches, ouvrant l'une et étalant les papiers sur le bureau du ministre, dit « Voici l'énoncé et les photographies des documents livrés. Voici le timbre qui justifie leur livraison et la trahison opérée. Voici les annotations des espions allemands à qui les documents ont été vendus. Le doute n'est pas possible et maintenant, monsieur le ministre, voici les documents qui ont manqué pendant une nuit, la veille du jour de l'assassinat, dans votre armoire de fer. Ces documents, monsieur Simonet en avait la garde, en était responsable. Lui seul, vous, monsieur le ministre, le courrier de cabinet et moi, en connaissions l'existence. Ces documents, les voici. On devait les remettre ce matin dans l'armoire de fer, et personne n'aurait soupçonné la trahison infâme qui s'était opérée. Ce sont ces documents, monsieur le ministre, que j'ai trouvés dans la poche de l'habit de monsieur Simonet qu'on venait d'assassiner. » Le ministre regardait les documents que Paulin Broquet étalait devant lui. Il ne pouvait dire un mot et semblait vraiment affalé, accablé, écrasé sous cette révélation cruelle. Paulin Broquet s'était reculé d'un pas, laissant le ministre face à face avec ses documents. Le silence qui suivit cette scène était extrêmement tragique et d'une grandeur dépassant toute description. D'une main nerveuse, fébrile, à diverses reprises, M. Desboisbilly épongea son front, puis essuie enfin les 2 larmes qui, malgré lui, malgré sa force de résistance et sa volonté, perlaient entre ses cils. Il recula son fauteuil, s'écartant à son tour du bureau et se leva. « Mon cher Broquet, dit-il, les larmes que je viens d'essuyer, et que devant l'homme de cœur que vous êtes, l'homme de devoir que je suis, n'a pas eu honte de répandre, sont la part unique que je devais donner au sang qui m'attache au malheureux sur qui vous avez trouvé ces documents hier soir. Désormais, c'est le ministre français qui parle et qui agit. Je vous remercie sincèrement, et plus grandement encore que les mots ne peuvent le dire. » Il mit son mouchoir dans la poche de sa redingote. Revenant à son bureau, il posa les 2 mains sur les documents et dit d'une voix ferme au détective : « Maintenant, Paulin Broquet, agissons. »